Ludo in the mix, Ludo in the mix, le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgi FM.

Le mix de Ludo. Vendredi, samedi, 21h, 23h. We're de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Don't do me, sleeping.

So check out my message to you. As a matter of fact, I don't have nothing to hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you about now, that the stutter and the scat is the same for you. I'm a scat man. GFM, sur GFM, reason why I'm free in my trap. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. I'm here. GFM, sur GFM, sur GFM. Le mix de Ludo, le mix de Ludo. Dans les souvenirs, une trance à l'instant, Electronic Pleasure. Fin des années 90. Neja, Reckless. Bonne soirée, c'est Ludo qui vous emmène jusqu'à 23h avec le mix de Ludo. Comme tout le week-end et tout ça sur GFM, sur GFM, sur GFM, sur GFM, sur GFM, sur GFM, sur GFM, sur GFM, sur GFM, sur GFM. Now you're back again, thinking all that you did.

et le samedi à 21h sur GFM. Le mix de Ludo. Sur GFM. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Avec les souvenirs. Pitbull. Pitbull. I know you want me. Ouais, je sais que tu me veux. Je sais. Allez, bonne soirée, c'est Ludo qui vous amène. 21h sur Tour GFM. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Thank you. vendredi et le samedi à 21h sur TourGFM. TourGFM. TourGFM. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo.

Object One. C'est bon ça à l'époque aussi. Allez, bonne soirée, c'est Ludo qui vous emmène jusqu'à minuit, jusqu'à 23h. On aurait pu hein, jusqu'à minuit, mais non. Déjà 2 heures de concentration, ça fait pas de mal. C'est déjà pas mal. On verra par la suite, peut-être si je le fais en direct, on sait jamais. Allez, bonne soirée à vous. Le mix de Ludo, le mix de Ludo, le mix de Ludo, le mix de Ludo, le mix de Ludo, le mix de Ludo, le mix de Ludo. Samedi à 21h sur Sur GFM. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo.